crois plus que tout est perdu. Quand trompé, déçu, meurtri, quand assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert. Quand mal, trop mal, on marche à genoux. Quand jour les hommes n'entendent plus le cri des hommes. L'eau revient quand même, tu verras, le jour se lève encore, même si tu crois que c'est à l'aurore, tu verras, le jour se lève encore, le jour se lève encore. La terre saine, c'est bien sûr, sous l'avion, crache la mort. L'homme chacal dira plus portant sur l'enfant qui rêve et qui dort. Mal, trop mal, voudrais larguer, larguer, tout larguer. Quand la folie des hommes nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. N'oublie pas, l'ombre vient quand même. Même balle, le jour se lève encore. Et tenez, on reprend le corps à corps. Allons-y, que le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Et... Soyons vigilants, mais le style qui semble fini. N'oublions jamais qu'au bout d'une nuit, qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, justement, l'eau revient quand même, même pâle, le jour se lève encore. Étonné, on reprend le corps à corps, continue. Que se lève, se lève.